Team RMC. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans cette émission consacrée, vous le savez, au retour sur le Grand Prix du Japon. C'était le 15e Grand Prix de la saison de Formule 1 2009. Il a vu la victoire de Sébastien Vettel. On y revient tout de suite avec Patrick Tambay. Salut Patrick. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Et puis bien évidemment avec Stéphane Sanson depuis Suzuka. Salut Stéphane. Moi je vous dis bonjour, parce qu'on le sait déjà demain pour moi. Oui, c'est déjà demain. Bon, on va faire comme ça alors. Alors, on revient tout de suite naturellement, Patrick, sur cette victoire de Sébastien Vettel. 4e victoire de sa carrière, la 3e de la saison. Il fallait qu'il le fasse, il l'a fait. Une saison remarquable, le contrat était clair, il lui faut jusqu'à la fin de l'année remporter les épreuves. C'est ce que Sébastien Vettel voulait faire en se plaçant en pole position sur cette grille de départ, avec une monoplace diaboliquement supérieure à tout ce que la concurrence pouvait présenter. Il en a tiré le maximum et c'est une très très belle victoire qui vient le récompenser de tous ses efforts. Il a fait le boulot, Stéphane, ce qu'on disait il y a un instant, puisqu'il fallait qu'il décroche la pole, il fallait qu'il engrange ses 10 points, même le restart consécutif à l'accident de Jaime Alguersuari ne l'a pas perturbé. Il a pris tout de suite l'avantage. Il faut dire qu'il avait un rideau derrière qui s'appelait Grosjean. Oui, c'est vraiment un scénario idéal là pour Vettel, à tel point qu'au moment où tout le monde quittait le paddock tout à l'heure, il y avait une question qui était unanime, c'est et s'il allait jusqu'au bout? Et si au terme d'une saison qui a multiplié les surprises sur la piste comme en coulisses, et voilà, si Vettel était la dernière surprise de championnat et si finalement il allait coiffer Button au poteau à Abu Dhabi, c'est la question que tout le monde se pose maintenant. Ah ouais, ça serait une bien belle surprise. Et puis c'est vrai qu'il chasse aussi, bon, il chasse évidemment le titre, il n'a pas abdiqué et abandonné tout espoir. Et puis Patrick, il chasse aussi la place de vice-champion du monde, il n'a plus que 2 points de retard sur Barrichello. Oui, ça c'est ce qui risque de lui tomber dans l'escarcelle, dans sa détermination à être le chasseur de résultats. Maintenant ça voudrait dire 3 victoires d'affilée. Si on revient un petit peu en arrière tout au long de la saison, il y a des occasions manquées, des occasions perdues, peut-être par manque de clairvoyance ou d'ambition dans cette équipe, ou quelques petites erreurs commises en tout début de saison. Et puis ce retard a développé un petit peu la Red Bull Renault par rapport à la Brown Grand Prix qui a démarré cette saison. Enfin, on fera le bilan de la situation un petit peu plus tard, mais il y a maintenant un enjeu énorme à accomplir. Il faudrait qu'il ait 3 victoires d'affilée et que les autres viennent limiter les dégâts en se plaçant un petit peu mieux. Oui, la mission est bien difficile, soyons clairs, on ne va pas faire de suspense pour le plaisir, surtout qu'il a déjà 5 résultats blancs, et ça effectivement, en général, pour décrocher un titre, c'est à peu près rédhibitoire. On écoute Sébastien Vettel, tout à la joie d'avoir remporté ce Grand Prix du Japon à Suzuka. Déjà hier, avec la pole position, nous étions les favoris, mais il fallait réussir ce départ. J'avais confiance, j'ai déjà réussi de bons départs, mais c'est toujours une remise en question. Après, il fallait que je réussisse cet envol et que je défende ma position. Ça s'est bien déroulé. Jusqu'à la fin, j'étais maître de la situation. Yeah, I fit the soft tires for the last stint. J'ai gardé les pneus tendres pour le dernier relais. Did one very quick lap. J'ai fait un tour très très rapide. And then my engineer came on the radio. Et puis mon ingénieur m'a averti. Et calme-toi, prends garde à tes pneus et à leur maintien. Bon, mais quand vous êtes en tête d'une course par 10 secondes, lorsqu'on vous dit de contrôler vos pneumatiques, c'est peut-être un petit peu inquiétant. Mais enfin bon, j'ai cet avantage de 10 secondes, j'ai été en mesure de le gérer, de l'exploiter au mieux. Ça y est, c'est fin. En finalité, on revient au devant de la scène. Après les 2 dernières courses, c'était un petit peu décevant, on n'a pas pu le faire. Mais ça y est, nous y sommes. Alors Sébastien Vettel traduit par Patrick, bien sûr. Alors Stéphane, Red Bull Renault qui rit avec évidemment la victoire et la domination de Vettel, et Red Bull Renault qui pleure avec un Mark Webber malheureusement qui a détruit sa caisse, on peut le dire, et on a eu du mal à remettre tous les morceaux ensemble. C'est là qu'on voit finalement à quel point ça tient à 3 fois rien, une performance ou une victoire en Grand Prix. Webber montre qu'il avait la vélocité ce week-end, puisque c'est lui l'auteur du meilleur tour en course. Mais et voilà, oui. À la fin de P3, à la fin des essais libres samedi matin, la seule séance qui se dispute sur le sec, il effectue une simulation de qualification. Ça se passe pas comme prévu, il touche le mur de pneumatique. Une sortie de piste qui a pas l'air terrible à la télévision. Quand on la revoit, c'est une sortie comme une autre. On a l'impression que seulement le nez de la Red Bull est touché, seulement on la rapporte au stand. On voit que la monocoque est touchée. Il faut trop changer la coque. Pas de qualif, il part derrière, il multiplie les incidents ensuite et c'est pas de points pour Red Bull qui aurait pu laisser arithmétiquement filer le championnat ici. Il faudra attendre certainement le Brésil pour que ce soit le cas. Alors effectivement, à un demi-point près, on y reviendra au classement constructeur. Eh bien, ça laisse une petite chance, en tout cas dans le décompte actuel, à Red Bull de contester le titre constructeur de Brown. On va écouter Mark Webber nous parler de cette séance d'essai grandeur nature pendant le Grand Prix, traduit par Antoine Arlot. Pendant les premiers tours de la course, l'un des repose-têtes est sorti de la voiture. Je suis donc rentré pour réparer ça. Et une fois de retour en piste, ça a recommencé. Apparemment, c'est un problème de fixation avec ce repose-tête. Chaque fois, ça recommençait. Les gars ont tapé dessus pour le fixer. Au final, ça a été une séance de test aujourd'hui. Nous avons essayé différents éléments avant et quelques autres choses pour les courses suivantes. Évidemment, Patrick, le décompte de Webber ne bouge pas. Hein, 51,5 points. Lui, cette fois, ça y est, il est complètement hors de la course au titre. On a bien compris qu'il allait se mettre quelque part au service de Vettel. Bah, totalement, oui, parce que maintenant, avec cette monoplace très performante sur un circuit comme celui d'Interlagos et peut-être d'Abu Dhabi, ça va être un coéquipier de poids. Il va peut-être venir prendre des points très, très importants à Barrichello et à Button. Dans cette optique du championnat, c'est essentiel. Alors, oui, vas-y. Il y a juste une toute petite chose à propos de Webber. Le fait qu'on l'ait laissé en course alors qu'il y avait trois tours ou un tour de retard dès le début de la course et qu'ils aient testé comme ça des pièces mécaniques, ça montre une chose. Ça montre que chez Red Bull, malgré ce qui s'est passé cet été, on a une confiance absolue dans la fiabilité du moteur Renault. On aurait pu dire, oula, on le sauve, on lui épargne une course et puis on l'utilisera sur les deux dernières courses. Non, Webber a fait une distance de course encore une fois avec son moteur. Ça montre que voilà, malgré les deux, trois casques qu'il y a eu cette année, on fait encore confiance à Renault. Alors, Patrick, un pilote. Ce qui n'est pas nécessairement de la faute de Renault, hein, ceci dit. Ah non, c'est peut-être un problème d'installation, ouais. Un problème de refroidissement, un problème de lubrification. Voilà, je pense qu'on a fait l'inventaire et l'étude de la situation technique. Un pilote Toyota chasse l'autre sur le podium, c'était Timo Glock à Singapour. Timo Glock qui n'a pas pris le départ suite à sa sortie de piste, donc on l'a vu, blessé heureusement pas très gravement à une jambe, mais en tout cas il n'est pas parti. En revanche, Yarno Trulli se hisse sur la deuxième marche du podium au Japon, c'était important. Pour Yarno Trulli, oui, on l'a vu très très fatigué à l'arrivée dans la conférence de presse. Yarno Trulli qui ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Yarno Trulli qui s'est démené comme un fou pour aller chercher cette deuxième place sur Lewis Hamilton. Il s'est déchiré totalement et il était exténué à l'arrivée. On l'écoute justement, traduit par Patrick. This guy, very strong at the start. Je savais que les pilotes autour de moi étaient très très, très performants au moment du départ. Je savais que Lewis avec son système Kerr serait dangereux et qu'il prendrait peut-être l'avantage avec ce système d'ici le premier virage. Bien sûr, il m'a dépassé et puis je l'ai suivi ensuite. Et puis de là, c'est une course fabuleuse parce que je me suis régalé du début à la fin. Et puis il y a eu cet incident de la voiture de sécurité. J'ai pensé, oh là là, ça va être difficile au moment du départ de nouveau parce qu'avec son système Kers, il va peut-être reprendre l'avantage. Ça n'a pas été le cas. Donc je voudrais maintenant profiter de cet instant pour remercier l'équipe, et mes techniciens, mes mécaniciens, nos partenaires. Gagner, j'aurais voulu, mais c'était pas possible aujourd'hui parce que Sébastien était plus rapide. Alors Stéphane, Patrick l'a souligné hein, juste avant le lancement de cette interview de Yarno Trulli, donc conférence d'après-course. Pas désabusé Yarno, mais inquiet, soucieux. On a l'impression sans ressort, fatigué par la course ou bien il sait des choses que nous ne savons pas sur l'avenir de Toyota ? On sait que l'avenir de Toyota doit se jouer. La validation du budget, c'est pour mi-novembre. On n'a pas renouvelé pour l'instant le contrat de Yarno Trulli, tout comme on n'a pas renouvelé celui de Timo Glock. Ce week-end, on entendait parler de Kovalainen qui aurait beaucoup rodé et signé un préaccord avec l'équipe. Trulli, pour rien cacher, a vraiment joué la carte de l'équipe. Il est allé saluer après tous les spectateurs dans les tribunes, après les conférences de presse, etc. Et puis pour clore le chapitre Toyota, on sait que l'accident dont a été victime Timo Glock, sa blessure a eu pour origine l'aileron avant de sa voiture qui est passé sous la voiture, qui a cassé la monocoque et qui est venu se mettre dans son mollet. C'est une situation qui inquiète très fortement la FIA pour deux raisons. C'est parce que c'est le système hydraulique de l'aileron, vous savez, qui fait bouger de 6 degrés et compactionner depuis le volant, qui a suscité ce coup de raquette. Et si le système avait été électrique, il ne serait pas arrivé, par exemple. Et puis la deuxième chose qui inquiète la FIA, c'est 1. La solidité des monocoques par le dessous et 2. C'est l'âme en aluminium et qui constitue les ailerons avant. On a très peur de à la FIA de ce qui pourrait se passer si un aileron avant se mettait à voler par exemple sur la piste et si un pilote le prenait sur le casque. Donc on étudie ça et je pense qu'il y aura des changements annoncés au niveau du règlement technique pour l'année prochaine. C'est vrai Patrick, le paradoxe, longtemps on interdisait les éléments aérodynamiques mobiles. Alors c'est vrai, on en parle très peu hein, de ces réglages possibles pour le pilote parce que beaucoup disent que c'est trop compliqué d'intervenir sur le réglage de l'aileron avant. Oui, ça a paru compliqué mais il est évident que certains l'exploitent. Ça a été fait pour une seule raison, c'est de permettre aux pilotes qui se trouvaient dans les turbulences aérodynamiques d'une monoplace qui les précédait, de remettre un petit peu plus d'aileron à l'avant, puisque généralement ils perdent de l'appui sur l'avant, donc ils glissent de l'avant et ils s'ouvrent. Donc voilà, c'était pour faciliter éventuellement la proximité des monoplaces et leur possibilité de se dépasser en bout de ligne droite. Un dispositif qui probablement, je m'avance un peu, pourrait disparaître là aussi l'an prochain, puisqu'il y aura une refonte du règlement. Enfin, on verra ce qu'il en est sur ce point précis. On va marquer une petite pause, si vous le voulez bien, dans cette émission des experts de la F1. Et bien évidemment, on se retrouve tout de suite avec Patrick et Stéphane. Restez avec nous. RMC, 5 jours de Grand Prix à chaque Grand Prix. Les experts F1 de la Dream Team RMC. Allez, retour sur l'analyse de ce Grand Prix du Japon, 15e épreuve du championnat du monde de Formule 1 2009. On vous a parlé du premier Sébastien Vettel, 3e victoire de la saison, toujours en course pour le titre. Et oui, avant le Grand Prix du Brésil, avec Patrick et Stéphane, on va revenir maintenant sur la 3e marche du podium. Patrick, elle est occupée par Lewis Hamilton, qui à un moment était un petit peu mieux que ça. Il était 2e, mais voilà, il a eu un petit souci technique, et puis on a bien joué le coup chez Toyota. Bah, son système n'est pas que positif, hein, de temps en temps, ça tombe en panne. Ouais. Quand ça fonctionne, c'est diaboliquement efficace au moment du départ, et puis des dépassements, ou pour tenir un concurrent à distance. Voilà, et là, apparemment, sur cette fin de course, il était en panne de Kers et donc il est rentré un petit peu dans le rang. On a entendu Stéphane, son ingénieur, justement, lui en parler en lui disant on va essayer de résoudre le problème à distance, je ne vois pas très bien comment. Et puis, effectivement, Hamilton expliquait un petit peu que c'est à cause de ça qu'il a dû céder devant les assauts de Trulli. Oui, on disait à Hamilton pendant la course hein, par radio, il faut absolument que l'écart qui te sépare de Yarno soit de 3 secondes au moment des ravitaillements. À ce moment, Hamilton était devant Yarno et puis Hamilton a été le premier à plonger dans les stands. À ce moment-là, Yarno a tout donné et lorsque Yarno s'est arrêté à son tour, il est ressorti, il a réussi à ressortir devant Lewis qui n'a pas pu tirer avantage de son système Kers. Alors, on sait que Lewis Hamilton, c'est un chasseur de primes, il n'y a pas d'autre mot. Lui, il est sécurisé, là, il fait une belle série en ce moment. Hein. On accepte évidemment la sortie petite piste à Monza, mais il était en chasse là aussi des Browns devant. En tout cas, avec 43 points, ma foi, il est pas mal du tout au championnat. Il est 6e et il est sur les talons de Kimi Raikkonen. On écoute justement Lewis Hamilton nous parler de cette belle bataille avec Yarno Trulli, traduit par Patrick, bien sûr. J'ai eu une très très bonne bataille, surtout l'engagement avec Yarno. Sébastien a fait une course très très performante. J'ai perdu l'exploitation de mon système Kers juste avant le dernier ravitaillement. Et c'est à peu près 3-4 dixièmes par tour. Donc pour moi, c'était fait. C'était très difficile de maintenir ma deuxième place. Pendant deux tours, j'ai dû perdre plus d'une seconde. C'est sorti très très proche, mais voilà, c'était pas réalisable. C'est pour ça que j'ai laissé partir la deuxième place. Et puis on va continuer à se battre jusqu'à la prochaine course. Alors derrière Hamilton, les trois hommes du podium, hein, Vettel, Trulli, Hamilton, on l'avait bien sûr, on y reviendra. Raikkonen, 4e avec la Ferrari, Rosberg, 5e, Heidfeld, 6e. Mais je voulais en arriver tout de suite, Patrick, aux gens qui se battent pour le titre, aux pilotes, aux écuries qui se battent pour les titres. Il s'agit évidemment de Rubens Barrichello qui termine 7e d'un souffle devant Button. On a pu se demander un moment si le pauvre Barrichello allait pas avoir un problème ou une absence et si Button n'allait pas passer. Bien, il y a les chasseurs que sont... Sébastien Vettel et Mark Webber sur leur Red Bull Renault, puis il y a les pourchassés, ceux qui sont en tête du championnat, Jenson Button et Rubens Barrichello. Il semble que pour Ross Brawn, le plus important ce soit de saisir ce premier titre de champion du monde en tant que constructeur. Donc pour lui, je crois que c'est l'essentiel et il a décidé que c'était là-dessus, peut-être en travaillant la fiabilité avant tout, qu'il voulait construire son championnat et puis laisser la liberté totale à Jenson Button et à Rubens Barrichello en piste d'en décider sportivement. Il a donné l'impression de donner à chacun ses chances d'en découdre et donc pas d'instruction particulière. J'espère que ce sera ainsi jusqu'à la fin de ce championnat. On va revenir justement sur la stratégie d'équipe éventuelle ou possible menée par Ross Brawn. En tout cas, Rubens Barrichello est parti 6e. Il termine finalement 7e de ce Grand Prix. On l'écoute un petit peu désabusé aussi parce que le petit point qu'il a réussi à grignoter à Jenson Button ne va probablement pas lui suffire pour contester l'hégémonie de son leader chez Brown Grand Prix. On écoute Rubens Barrichello traduit par l'inévitable Antoine Arlot. J'ai fait ce que j'avais à faire en gros. On a vu quand Jenson Button a changé ses réglages en Q3 hier qu'il a fallu faire un tour fantastique pour rester devant lui et se donner pour finir le week-end devant lui. Quand vous n'êtes pas content de la voiture, vous bataillez. Et quand vous bataillez, vous n'allez pas très vite. Donc à la fin de la journée, ça fait un point de repris. Voilà. Alors Stéphane, c'est un petit peu petit bras quand même hein, sur les deux derniers Grands Prix, là, Singapour et le Japon, pour une équipe qui a un demi-point près, au décompte d'aujourd'hui, eh bien, n'est pas encore championne du monde, mais devrait l'être, pour deux pilotes qui sont pour le moment sur les deux premières marches, c'est pas terrible. Et oui, c'est Brown GP un tout petit peu en roue libre là depuis deux Grands Prix. Heureusement qu'on a eu le doublé Monza, parce qu'avant Monza, c'était pas génial non plus, et je pense que c'est ce qui permet aux gens aujourd'hui de dire et si Vettel allait jusqu'au bout, parce que c'est vrai qu'un résultat vierge de Button demain c'est dans 15 jours au Brésil, un Vettel qui gagne ce qui n'aurait rien d'improbable, ça veut dire un Vettel qui revient à 6 points seulement de Button alors qu'il reste une course à disputer, il faudrait que Brown arrive à convaincre quand même un tout petit peu. Alors on sait qu'il y a des primes qui tombent évidemment quand on est champion du monde, constructeur et pilote, et que Brown en a besoin puisque Virgin va quitter le navire pour Manor GP l'année prochaine, mais voilà, pour que ce soit un très joli championnat du monde jusqu'à la fin, il faudrait un petit coup d'éclat de Brown GP sur l'une des deux dernières courses. Bah Patrick, ça fait un peu compte d'apothicaire, on en arrive enfin à Jenson Button qui arrache le point de la 8e place, derrière son équipier, serré de près par Kubica. Bon, ces petits bras, tout ça, à part effectivement l'Italie, mais c'était Barrichello qui l'avait emporté en Italie. J'en reviens à mon explication de tout à l'heure, j'ai l'impression que Ross Brown, pour lui, ce qui compte vraiment, c'est le titre de champion du monde constructeur. Donc, mettre des points, même des petits, mais mettre des points. Voilà, parce que c'est ce que l'on mettra en valeur et en évidence, même si Jenson Button conserve bien sûr un avantage mathématique très très important. Alors, on va remonter le classement. Involontairement, on a fait ce saut dans l'espace et dans le temps là pour retrouver Barrichello 7e et Button 8e, donc qui grignote 2 points respectivement et 1 point pour Button. Ça fait 3 points au championnat constructeur. Encore une fois, c'est passé. Encore un petit demi-point. On remonte donc au 4e rang de Kimi Raikkonen. Est-ce qu'il y a beaucoup à dire, Patrick, sur Ferrari et sur la prestation de Raikkonen qui est là, qui est présent, qui fait du bon boulot? Bon, pas d'éclat non plus, il est où il faut, quoi. Mais il s'est battu, il vient d'être remercié par Ferrari qui lui préfère Fernando Alonso pour la saison prochaine. Il ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Bon, il prend un joli paquet d'argent dans l'opération, mais il fait une course solide, mais un petit peu, bien sûr, discrète. Il prend des bons points. À un moment donné, il espérait peut-être, au moment du restart, de pouvoir aller chercher Lewis Hamilton parce que son Kers à lui semblait fonctionner normalement. Ça n'a pas été le cas. Il conduit une monoplace difficile à piloter, probablement la moins bonne Ferrari qu'il ait eu l'occasion de piloter. Et cette saison est très difficile pour lui. Mais enfin, bon, il a eu une victoire cette année sur un très très beau tracé. Donc, chapeau monsieur Kimi quand même. Ah oui, oui, non, mais il est présent, il est constant. Là, il prend 5 points. Il porte son total à 45 points. Donc, pas très loin de Weber hein, maintenant. Et en tout cas, toujours devant Hamilton qui ne lui grignote qu'un point, 43 points, donc ma foi, on les retrouve quand même placés à un endroit tout à fait intéressant. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à un garçon qui, lui, a fini juste derrière Raikkonen. Alors, écoutez-le, c'est toujours intéressant d'écouter Nico Rosberg, bien sûr, c'est de lui qu'il s'agit. Il est pilote Williams Toyota, donc Nico qui s'exprime en français au micro de Guillaume Navarro. On se méritait même pas être dans les premiers 10, je pense, en termes de rapidité. Mais tout vraiment est tombé en place. Tout le temps, même quand je dormais la nuit, j'ai pris des positions. J'ai pris 4 positions quand j'étais en train de dormir. Ah oui, non, j'ai bien dormi. Toujours important de finir la saison, oui, mais pas plus important que les autres courses. Hein. De toute façon, je pense que moi, je suis bien dans les discussions là et je pense que ça va prendre la bonne direction. Ah, c'est un changement de ton, hein, Patrick. Déjà, bon, l'expression est vraiment assez géniale, quoi. C'est vraiment un bon client, ce Nico Rosberg. Oui, remarquable. Il commence à vraiment de mûrir dans le bon sens du terme. J'espère qu'il restera comme ça quand il passera dans une grande équipe, si c'est le cas pour lui. Alors, normalement, Stéphane, on y va clairement. Hein, il irait dans le fauteuil, j'allais dire, le baquet de Barrichello chez Brown. C'est là qu'on le voit, en tout cas du côté de chez Mercedes, c'est clair. Oui, ce baquet, il le doit principalement à Mercedes, qui est en train d'investir ou de vouloir vouloir investir dans Brown GP. On parle de 75% des parts de l'équipe qui serait acquise par Mercedes sur les trois prochaines années. Pendant longtemps, Mercedes a voulu rapatrier Nico chez McLaren. Entre McLaren et Mercedes, il y a un tout petit peu d'eau dans le gaz, on va dire. Et du coup, Mercedes est en train de considérer vraiment Brown GP comme son équipe B et va placer Nico aux côtés de Jenson Button. Alors voilà. Surtout, ce qu'il a pour lui, c'est qu'il est pilote Mercedes. Eh oui, il a signé un contrat Mercedes. Politiquement et stratégiquement, ça sera très très bien pour la suite de sa carrière. Oui, et puis là, on le sent confiant. Hein. C'est un euphémisme. Je ne sais pas si tout est verrouillé, tout est bouclé, mais en tout cas, Nico Rosberg, il va accéder à la monoplace et à l'écurie qu'il mérite, hein, sans faire offense naturellement à Williams. Mais bon, c'est vrai que le matériel est un petit peu en dedans. Même s'il fait, il est là, il est toujours là, hein, lui aussi, il marque des points. Alors derrière Nico Rosberg, on va parler d'un pilote allemand aussi, parce qu'il faut quand même rappeler que Nico Rosberg est allemand de nationalité, même s'il parle toutes les langues et qu'il réside à Monaco. Nick Heidfeld, c'est de lui dont je voulais parler, Patrick. Alors lui aussi, il fallait qu'il se mette un peu en exergue, parce qu'on parlait beaucoup de Kubica, qu'on s'arrache partout chez Renault, chez Toyota, et le pauvre Heidfeld qui n'a pas beaucoup démérité, on n'en parle pas beaucoup. Nick Heidfeld, pilote Mercedes aussi, à l'origine de sa carrière et qui a été soutenu par la firme de l'étoile depuis qu'il fait du karting. Il ne s'est pas trouvé chez McLaren Mercedes parce qu'on lui a préféré, je crois que c'était Kimi Raikkonen à l'époque. Oui. Voilà, mais Nick Heidfeld, qui est très très performant en piste, mais qui est, par rapport à Nico Rosberg par exemple, nettement moins glamour, nettement moins... C'est clair, oui. C'est pas le sexy, de beauté, oui. en dehors. Donc, il marque pas des points... 64, 59 kilos, quoi. Il marque pas des points dans ce domaine. Oui, et alors, ce qui est amusant, enfin je ne sais pas si c'est le mot qui convient, Stéphane, c'est qu'au classement général provisoire du championnat, Nick Heidfeld, avec les 3 points qu'il a grappillés, qu'il a vaillamment décroché là avec sa 6e place, il porte son total à 15, alors que Robert Kubica, présumé plus talentueux et plus flamboyant et plus jeune, hein, eh bien lui plafonne à 9 pour le moment. Oui, avec un Nick Heidfeld en plus qui était sixième mais pas très content à l'arrivée. Il y a eu un problème sur un ravitaillement avec sa roue arrière droite. Il estime que la quatrième place était pour lui sans ce problème. Heidfeld qui cherche un volant pour l'année prochaine. On sait que Renault lui a passé un coup de fil pour éventuellement remplacer Romain Grosjean. Il n'est pas le seul sur la liste du losange, mais ce serait peut-être un bon plan pour la suite de sa carrière. Alors au classement toujours de ce Grand Prix de Suzuka, 15e épreuve de la saison. Après Heidfeld, 6e, Barrichello, on en a bien parlé tout à l'heure, 7e, Button, 8e, il a arraché le dernier point. On trouvait Kubica, on vient d'en parler. Voilà, je voulais en arriver, Patrick, à Renault et Fernando Alonso. Il a fait ce qu'il a pu, le double champion du monde espagnol. Ah, s'il a remercié son équipe lors de son podium de Singapour, lui, il savait pourquoi. Hein. C'est tellement serré, tellement compétitif cette saison qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait le moindre grain de sable dans le système. Ça a été le cas en qualification. Il a pris une pénalité. Hein, en voilà. Qualification, donc tous les efforts étaient ruinés par cette pénalité. Il n'a pas été le seul, ils ont été 5 à la subir. Et puis ensuite, eh bien, quand on se retrouve partir loin, il y a les incidents du premier tour, il y a le trafic, on perd le rythme et la cadence par rapport à la tête de la course. On reste en dehors des possibilités de rentrer dans les points. C'est une course sans faste, sans brillant, mais il fallait la faire quand même. C'est exactement ce que confirme Fernando Alonso au micro de Guillaume Navarro. On va revenir bien sûr sur cette équipe Renault et notamment sur la piètre prestation de Grosjean dans un instant. Écoutez d'abord Fernando Alonso. Je pense que c'était une course très difficile pour nous parce que la position de départ c'était trop à l'arrière. Donc je pense qu'à la fin 10e c'est un bon résultat, mais c'est vrai que nous avons besoin de points pour la fin de la saison. Donc Brésil, nous devons faire un bel qualif. Le départ, nous devons être dans les 5-6 premières positions si nous voulons de gros points. Alors Stéphane, évidemment il faut que Renault trouve une tête de file, hein, et un excellent pilote. On parlait de Kubica il y a un instant, parce que quelqu'un comme Alonso c'est irremplaçable, voire deux bien sûr. J'allais dire Fernando Alonso, double champion du monde, dont on connaît le talent, l'attaque permanente, la niaque, la manière de fédérer toute l'équipe. Et là il n'y avait rien à faire, il le dit, donc il se battra jusqu'au bout bien sûr, fidèle à Renault comme il se doit. Mais trouver un successeur, on va dire, du calibre de Fernando, déjà ça c'est quasiment mission impossible. Oui, je pense que c'est la raison pour laquelle Renault est en train de changer un tout petit peu de stratégie. Au lieu de vraiment mettre l'accent sur Fernando Alonso et avoir, comme c'est le cas depuis plusieurs saisons, un deuxième pilote qui a du mal à accrocher les wagons derrière ce chef de file, que ce soit Romain aujourd'hui ou Nelson au début de cette année et la saison dernière, on est en train de se dire, voilà, si on part avec Robert Kubica, et honnêtement, ça a l'air quasiment signé, ça pourrait être même annoncé dès mardi par Renault. Ouais. Toyota a annoncé il n'y a pas très longtemps que finalement ce serait très compliqué d'avoir Robert. Si on part sur Kubica, on est sur quelqu'un d'un tout petit peu différent. On n'a peut-être pas le ultime potentiel de Fernando Alonso, mais on peut partir sur un tandem de pilotes qui marque des points de manière très très régulière au lieu d'avoir un podium et une 12e place. C'est la raison pour laquelle, hein, comme on disait tout à l'heure, d'autres pilotes qui restent sur le carreau dans d'autres équipes, Glock, Heidfeld, sont sollicités par Renault. C'est vrai que Kubica, Glock, ça aurait de la gueule. Alors Patrick, on en vient évidemment au deuxième pilote de Renault. Là, évidemment, c'est toujours un cas délicat, hein, parce que c'est un pilote français, Romain Grosjean. Et oui, il était sur la dernière ligne de la grille aux côtés de Liuzzi, qui a été rétrogradé à cause du changement de boîte. Le pauvre Romain, là, on va dire qu'il a convoyé sa monoplace à l'arrivée, quoi. Oh, j'ai pas chargé la brouette. C'est une situation très très difficile pour Romain Grosjean, avec un environnement qui n'a pas été très propice pour ses débuts en Grand Prix. Il est à comparer, bien sûr, aux performances d'un double champion du monde. Bon, c'est bien d'être au contact d'une référence aussi valorisante et d'une expérience technique aussi importante que celle de Fernando. Mais c'est aussi un danger. Bon, je crois que maintenant il sait où est le curseur. Quels sont ses objectifs, quels sont ses besoins. Il était pour sa part ennuyé par des problèmes de santé à Singapour, des soucis de frein, probablement pas encore remis une semaine plus tard totalement. Bon, il aura encore deux possibilités pour se refaire la prune. Il lui faut maintenant obtenir un exploit, un petit peu à la manière d'Alguersari ou de Buemi sur la Toro Rosso. Et ben voilà, effectivement. Oui, vas-y Stéphane. Oui, et puis il y a une petite chose qu'il faut dire aussi, une fois encore sans charger la brouette, c'est que si on regarde ce qui est arrivé au dernier pilote Briator arrivé sur la grille de départ, que ce soit Aki Kovalainen, Nelson Piquet ou Romain Grosjean, à chaque fois ils ont été lâchés dans le grand bain sans avoir été accompagnés, préparés. La seule personne qui est avec ces pilotes-là ne peut que mettre la pression en disant attention, fais des résultats, sinon tu vas nous coûter de l'argent. Il n'y avait aucun préparateur mental, psychologique, quelqu'un qui est là, un confident qui puisse mettre le pilote en selle. Et ça s'est vu avec Romain ce week-end. Romain, on l'a dit pendant le direct, il était livide, il a passé son week-end à regarder ce que la presse et Internet disaient à son sujet, non seulement en France, mais à l'étranger. Et il n'était pas dans le coup parce que je pense qu'il n'y avait personne pour remettre son moral et remettre son état psychologique d'aplomb. Et c'est ce qu'on ne voit pas dans les autres équipes. Alors, on écoute tout de suite Romain Grosjean au micro de Guillaume Navarro, lucide. C'est pas que c'était pas évident, c'est pas que c'était pas facile, c'est que ça avançait pas. Voilà, je crois que voilà. Et en plus, pour couronner le tout, ce safety car. Je dirais pas le gros mot, mais ce safety car un peu malvenu où je me retrouve bloqué devant la file, c'est complètement débile parce que j'aurais pu me battre avec les autres. Je pense qu'à la fin j'ai la vitesse pour essayer d'aller chercher Nakajima, j'ai un tour derrière, voilà. Quand ça veut pas, ça veut pas. On verra la prochaine. Bon, on va travailler avec l'équipe. Le départ était pas mal, après c'était Fernando qui était devant, donc il fallait faire attention à pas tenter de choses débiles et début de course j'avais pas le rythme clairement pour me battre. Je vais rentrer à la maison, me reposer, je verrai après. Bon, Romain Grosjean qui dit on va rentrer à la maison, Stéphane, effectivement là il n'y a pas autre chose à faire, mais là il lui reste deux cartouches et je crois que là il faut pas qu'il les rate, hein, celle-là. Ouais, je pense qu'il faut absolument qu'il se concentre sur le boulot sans se mettre trop de pression. Essayer, même si c'est très compliqué, de prendre du plaisir à Interlagos et à Abu Dhabi. Il ne faut pas avoir à ses côtés quelqu'un qui puisse vraiment le recadrer, le mettre en confiance, faire le tampon entre lui et l'équipe, qui puisse absorber toute cette pression négative. Il faut et t'en occuper, Romain... Stéphane. Ouais, bah oui, tiens. Je lui prêtais mon doudou. Voilà, exactement. Bon, merci à tous les deux d'avoir été avec nous là. Merci beaucoup, Patrick. On se retrouve pour le Grand Prix du Brésil et vous vous rappelez bien sûr sur RMC. C'est 5 jours à la F1. Merci beaucoup Stéphane, il va falloir faire le grand écart. Et au Brésil, ce sera le soir. Et ce sera le soir, il va falloir passer du Japon, du pays du soleil levant, au Brésil, le pays de la samba. Dans un instant, c'est Intégral Foot spécial Marseille-Monaco, oula, le derby, avec Gilbert Bribois en direct du Stade Vélodrome à Marseille. Ça va faire mal, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce week-end fastueux de Formule 1. C'est toujours comme ça que ça se passe sur MC. Salut à tous.